Chapitre 11e. L'auto de Paulin Brockes s'était arrêté devant la porte monumentale du palais habité par Hughes J. Brewster. Des ordres très sévères avaient été donnés par le millionnaire. Personne ne serait reçu. Personne ne pouvait entrer. Paulin Brockes, en nommant le juge d'instruction, l'avocat, et se désignant lui-même, parvint, non sans causer grand trouble dans la maison, à faire lever la consigne pour nous. Enfin, nous pûmes pénétrer dans ce palais si bien gardé, au grand étonnement de l'agent Lepic, chargé, lui, d'empêcher quiconque d'approcher et qui, en son fort intérieur, malgré tout, espérait toujours arriver à toucher la prime promise par le millionnaire. Paulin Brockes pria M. Barentin et Georges Burel d'attendre quelques instants dans le petit salon et il pénétra avec moi dans la bibliothèque où, comme de coutume, dans un grand fauteuil, devant la cheminée, se tenait Hughes J. Brewster. Un grand et profond changement était survenu chez le vieillard. Il semblait plus vieux, plus cassé. Seuls ses yeux brillaient du même éclat, et sa physionomie gardait son aspect volontaire et impitoyable. Sa mâchoire énorme semblait plus carrée. Ah, c'était bien le requin des dollars! En nous voyant paraître, il voulut crier, faire jeter Paulin Brockes dehors, par ses domestiques, disant qu'il n'avait rien à voir avec les détectives et la justice française, avec aucune autre justice. Mais Paulin Brockes n'était pas homme à se laisser démonter facilement. « Si vous n'avez rien à faire avec la justice, » répondit-il fermement, « la justice, elle, a beaucoup à faire avec vous. Sortez !» Et le détective que je suis vient vous arrêter pour tentative d'assassinat commis par vous sur la personne du capitaine James Allison. « Il n'y a pas de preuve !» cria le vieillard. « Il est évident que James Allison ne vous a pas délivré de reçu du coup de feu qu'il n'a d'ailleurs pas encaissé. Mais il serait très facile de prouver que le revolver qui se trouve dans le tiroir de cette table contient une cartouche brûlée et de montrer, là, au mur, la trace de la balle destinée au capitaine. « Il n'y a rien de cela ici. Je n'ai pas à vous écouter. Sortez !» Cette fois, monsieur, même sans preuve, au tribunal, on tiendra compte de mes paroles sans qu'il soit nécessaire de me faire déférer le serment. Que voulez-vous dire? Que James Allison est le fils de J. R. Warren Hood, ça m'est égal. Il est venu vous réclamer l'honneur de son père. Il faut le lui rendre. Je ne vous comprends pas. Je veux dire, en plus, qu'hier, Harry, votre fils, était chez moi, désespéré, que nous avons été obligés de le ligoter pour l'empêcher de se tuer. Dans son fauteuil, Hughes J. Brewster tressaillit. Se tuer? Harry, mon fils? Pourquoi? Parce que son père est la cause de son malheur. Comme Hughes J. Brewster a été la cause du malheur et de la mort d'autres personnes, je veux dire que Harry aime Stella Starring. Le vieillard répondit. Je ne veux pas, moi, vivant, que mon fils épouse cette gredine. Pardon? Pardon, vous ne savez pas? C'est tout le contraire qui s'est produit. Quel contraire? C'est cette noble et digne Stella Starring qui ne veut pas être la femme du fils de Hughes J. Brewster. Le vieillard sursauta. Elle ne veut pas être la femme de mon fils, pourquoi? Parce qu'elle vient d'apprendre qui est Hughes J. Brewster, père de Harry, ce qu'il a fait pour Warren Hood, parce que son frère a tous les documents précis sur cette affaire et que le procès va être révisé. Ça m'est égal, s'écria le millionnaire. Qu'on révise donc le procès, je suis riche, je suis riche, je dépenserai ma fortune, s'il le faut, mais j'aurai encore raison. Pas cette fois, non, pas cette fois, je vous le garantis. Vous serez condamné et vous tuerez Harry. » Tout frémissant, agitant les bras, le millionnaire s'écria encore « Assez! Assez! Vous venez faire ici du chantage. Vous êtes un maître chanteur. Je méprise vos menaces. Allez-vous-en. Je ne veux plus vous entendre. Sortez d'ici. Tout de suite, sortez !» Très calme, Paulin Brockes prit le téléphone qui se trouvait sur la grande table et dit au banquier « C'est bien. » Alors je remplis ma douloureuse mission. Je vous arrête pour tentative d'assassinat sur un officier de l'armée américaine. » Il empêcha le banquier de protester, lui coupa la parole et dit « Comme vous êtes souffrant, je vais, par téléphone, demander à la préfecture de police une voiture d'ambulance pour vous conduire au dépôt. » À ce moment, dans le couloir précédant la bibliothèque, on entendit un bruit formidable de lutte, de meubles brisés et de cris de douleur, et dominant tout, la voix de Harry. « Je vous dis que je vais voir mon père tout de suite !» La porte s'ouvrit toute grande avec fracas. Harry parut. Il avait positivement l'air d'un fou. Il vint droit au banquier. « Mon père » s'écria-t-il. « Je viens de chez Stella, et Stella m'a renvoyé de chez elle. Elle refuse d'être ma femme, donnant pour seule raison que je suis le fils de Hughes J. Brewster. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens vous le demander. Comment le fait d'être votre fils peut-il être si terrible, si douloureux, si honteux qu'on refuse d'être ma femme? Parlez! Répondez-moi, qu'est-ce que cela veut dire? Si vos millions ont été mal acquis, je n'en veux pas. J'irai gagner ma vie comme manœuvre, comme ouvrier, fermier au loin, pour enlever de mon nom la haine qui s'y attache, et pour mériter la pitié de cette femme adorée. Depuis l'arrivée de son fils dans la bibliothèque, le banquier était retombé dans son fauteuil. Toute sa colère, toute sa violence venaient de disparaître. Il était absolument accablé. « Harry, disait-il tout bas, Harry, mon fils, mon enfant. » Mais Harry revenait à lui plus vibrant. « Mon père, parlez, je dois tout apprendre, je veux tout connaître. Qu'avez-vous fait? Que vous reproche-t-on? Oui, je veux savoir si j'ai le droit de porter haut la tête ou si je dois me cacher, comme le fils d'un homme qu'on ne peut avouer. Il me faut toute la vérité, si terrible fut-elle. Toute la vérité sur mon malheur. » À ce moment, Poulain Broquet intervint et mit la main sur l'épaule de ce vibrant garçon. « Harry, dit-il doucement, n'avez-vous pas assez dormi ?»« Vous ? » s'écria Harry, grandement étonné, car en entrant, en coup de vent et courant à son père, il ne nous avait pas reconnus. « J'aurais dû, reprit Poulain Broquet, mettre dans votre French cocktail d'hier soir, dont vous avez ri, non sans raison, un peu plus de narcotiques. « Venez, mon ami, voyez un peu ce que je faisais quand vous êtes entré ici comme une trombe. Sur l'engagement de votre père, je téléphonais au capitaine Allison, au frère de Stella, de venir ici. » Harry sursauta et demeura ébahi. Il roulait des yeux, il ouvrait la bouche, nous regardait les uns après les autres et ne parvenait dans son anxiété, dans sa joie, ce grand enfant, qu'à prononcer en bégayant des « Oh, ah, oh, ah !»« Vous, Harry, continua Poulain Broquet, veuillez prendre la douce peine d'aller chercher à son hôtel Miss Stella. Elle ne me recevra pas. Elle vous recevra, venant de ma part. Amenez-la ici. Redites-lui bien qu'elle trouvera dans cette maison son frère. Donnez-lui l'assurance que votre père aujourd'hui tient absolument à la voir et qu'il veut lui demander de faire votre bonheur. » Harry roulait de plus belle les yeux, poussait de plus en plus des hauts, des ha. « Allez !» dit Poulain Broquet en le poussant. « Mais allez donc, dépêchez-vous !» Alors Harry sauta en l'air. Puis, au milieu de la bibliothèque, ayant poussé le cri de triomphe d'Harbard, il se mit à esquisser le pas de gloire des Sioux. Enfin, il vint à son père, accablé dans son fauteuil, et lui prenant les mains affectueusement, il lui demanda « Est-ce vrai, mon père? Est-ce bien vrai ce que j'entends? Enfin, vous voulez voir Stella ?»« Oui, oui, » dit lentement le banquier. « Va, mon fils, va la chercher. Mais dépêche-toi, va vite chercher Stella. » Harry prit alors son père dans ses bras, l'étreignit, l'embrassa. « Ah, vous êtes le meilleur des pères » cria-t-il, et il partit en courant. Poulain Broquet s'empressa de donner un coup de téléphone à James et il revint au banquier. « Monsieur, dit-il, ce que vous venez de faire à l'instant rachète le douloureux passé et ouvre l'avenir. » Il nous faut conclure maintenant cette affaire, mais de telle sorte que jamais votre fils Harry ne puisse en apprendre la réalité. » Décidément dompté, le banquier répondit. « Faites, monsieur, ce qu'il faut. Sauvez mon fils. Préservez mon honneur à ses yeux. Et garantissez le bonheur de sa vie. Je vous en suis très reconnaissant et vous remercie. » Poulain Broquet dit alors. « J'ai amené avec moi maître Georges Burrell, avocat, qui a pris en main l'affaire Warnhood J. Brewster. Il se porte partie civile pour les enfants de Warnhood. J'ai amené également M. Barentin, juge d'instruction, qui est un digne et charmant homme. Il se chargera de cette affaire. Georges Burrell et M. Barentin vont, pour faire réviser le procès, trouver un vice de forme, de sorte que vous serez à couvert. » Mais le banquier tendit la main. « Non ! » dit-il, reprenant sa vigueur. « Pas de subtilité juridique. Ne jouons pas avec la loi qui est chose sacrée, avec la justice qui se manifeste tôt ou tard. Je veux la vérité. Faites venir ces messieurs. » Quand M. Barentin et Georges Burrell furent dans le cabinet, le vieillard reprit. « Prenez du papier. Écrivez sous ma dictée. » Ce fut maître Georges Burrell qui, devant précisément prendre la parole, tint en ce moment la plume. Et le vieillard dicta. « Au moment de paraître devant Dieu, Je dois révéler la vérité. Lors de notre procès, mon vieil ami Warren Hood, que j'ai trahi, disait vrai. C'est lui qui avait raison. Moi, j'ai prêté un faux serment. J'en demande pardon à Dieu et aux hommes. » Il signa cette déclaration. Mais Paulin Broquet trouva l'humiliation du vieillard suffisante. « Cette pièce secrète, lui dit-il, demeure entre les mains de M. Barentin, le juge qui obtiendra la révision du procès sans la rendre publique. Personne ne la connaîtra, car il faut penser aussi à l'honneur, à la tranquillité de Harry, au bonheur de Stella. » À son tour, il pria Georges d'écrire et il dicta « Ce jour-là, devant les témoins sous-signés, je déclare que c'est par une erreur de comptabilité que j'ignorais, une erreur de caisse, que le compte de M. Warren Hood, mon associé et mon ami, a été porté comme liquidé. Je me suis aperçu trop tard, hélas, ces derniers jours seulement, de cette grave et funeste erreur. J'en ai ordonné la réparation. Le compte de M. Warren Hood est porté dans ma banque à la voir de ses deux héritiers, Stella et James, y compris les intérêts à ce jour. » Le banquier signa également cette pièce que nous signâmes tous quatre à la suite. C'était pour James et Stella la reconnaissance d'une fortune énorme. Nous avions à peine fini que Harry apparaissait entraînant Stella. À la vue de la jeune fille, le vieillard, dans un effort suprême, se mit debout pour la recevoir. Il la regarda longuement. « Oui, vous êtes belle, » dit-il. « Oui, vous avez un cœur magnifique. Oui, vous rendrez mon fils heureux. Stella, fille de mon premier et plus cher ami. Stella, mon enfant. » Il tendit les bras, Stella s'approcha de lui. Le vieillard lui prit la tête et l'embrassa lentement. « Mon enfant, mon enfant !» Puis, accablé, il retomba dans son fauteuil. Stella et Harry se tenaient à genoux près de lui. Il mit ses mains sur leur tête, les caressa, disant tout bas « Soyez heureux. Faire le bonheur ici-bas, c'est préparer son bonheur là-haut. Pardonnez-moi, mes enfants, de n'y avoir pas cru plus tôt. » À ce moment, James parut. Le banquier lui tendit la main. « Pardon, James, » lui dit-il seulement. « Ce que vous désirez est fait. Je vais donc pouvoir aller retrouver mon ancien compagnon et lui parler de vous tous, de nos enfants. » Le lendemain matin, Hughes J. Brewster était trouvé mort dans son lit. Le procès fut révisé, la mémoire de Warren Hood rétablie, la fortune qui revenait à ses enfants rendue. Quelque temps après, sans crainte d'être blâmé par M. Mounds, le bon David Bridgeport faisait, dans le New World Herald, un article splendide sur le mariage de Harry J. Brewster et Miss Stella Starring. Par une attention aussi délicate que touchante, le premier baiser que Miss Stella donne Mrs. Harry J. Brewster, voulu dans le cœur de l'église américaine de l'avenue George V, donné à ceux qui la félicitaient, fut pour Paulin Broquet, à qui elle dit affectueusement « Harry et moi, nous vous devons notre bonheur. » Voilà comment le fil téléphonique passé malencontreusement autour du cou de David Bridgeport devint la douce chaîne qui, heureusement, attacha les cœurs de Harry et de Stella. Ainsi s'achève « L'étoile amoureuse » de Léon Sazy.